Chapitre 35e. Je commençais à trouver que le temps passait vite et que les photographies ne me suffisaient pas. Il me fallait des Indiens et nous n'apercevions plus personne. Les vivres diminuaient et pas moyen de les remplacer. Enfin, nous entendîmes des chiens aboyer et nous aperçûmes une maloca, habitation d'une tribu de monde Rucus. Cette maloca, ainsi que d'autres dans lesquelles je suis allé depuis, était construite comme les autres cases, mais bien plus grande, avec des cloisons faites comme les murailles, des portes et des toitures en feuilles. Chaque compartiment avait un foyer en pierre, des nattes, des hamacs, un mortier et un pilon pour la farine de manioc. Les arcs et des flèches étaient accrochés dans les coins. Forcé de me servir du polycarpe et du garde, je les envoyai demander si l'on pouvait acheter quelque chose, et j'appris que c'était à peu près impossible. J'avais peint un canoma à un indien de la tribu. Je montrai cette étude à tous ceux qui étaient autour de nous. Il fallait voir les gestes que faisaient ces bonnes gens. Ils regardaient derrière le papier. Ils le touchaient en répétant un mot que je ne comprenais pas. Les femmes, les jeunes filles, n'osaient approcher. Quand j'allais à elles, toutes se sauvèrent. J'accrochai mon portrait à un tronc d'arbre, et je puis dire que cette fois j'eus un grand succès. Si bien que le chef de la tribu, un pauvre vieillard malade, voulut voir à son tour le chef-d'œuvre et vint appuyer sur son fils. Nous nous donnâmes une poignée de main. J'envoyai chercher une bouteille de cachaça. J'offris de plus au vieillard deux colliers de perles bleues et un bout de tabac pour une heure de séance. L'affaire fut conclue, je peignis au milieu d'un silence solennel. Tous les coups étaient tendus, personne, je crois, ne respirait. Nous achetâmes de la farine et du poisson, je les payai avec des hameçons et du tabac. Bien des journées se sont passées à peu près de même. Malheureusement, je ne pouvais pénétrer dans ces bois où personne n'avait posé le pied, où j'étais probablement le premier à le tenter avec l'aide de mon sabre. Il m'arrivait cependant de trouver quelques éclaircies. Dans une de ces rares excursions, je blessai légèrement un coati qui vécut 8 jours sur mon canot. Sa mort augmenta nos provisions de bouche, qui s'en allaient avec une rapidité effrayante. Parfois, j'entrais dans une habitation. Je montrais le portrait des chefs où je proposais le prix en tabac ou en collier. Je choisissais une tête tatouée et je peignais 1 heure ou 2. Quand le soleil était bas, je faisais pousser le canot du côté déjà enveloppé par l'ombre des grands arbres. Je dessinais ce qui se déroulait sous mes yeux. Puis je m'asseyais sur mon toit. Je jouais avec mes singes. Je tuais tantôt un martin pêcheur, tantôt un héron, quelquefois un singe. La nuit venue, je tirai dehors mon manteau, ma natte et ma tente. Je dormis au grand air, et le lendemain, après m'être réchauffé et avoir séché la rosée de la nuit, je recommençais. Ma santé s'altérait visiblement. Je ne mangeais presque plus, je buvais beaucoup d'eau, je me sentais quelquefois bien faible, si faible que je passais des journées entières sans travailler. J'eus l'idée de quitter le Madeira pour quelques jours, et comme, depuis la correction que j'avais si justement administrée, un seul geste suffisait pour que je fusse obéi, je fis entrer sans difficulté le canot sur un brin de rivière qui se jetait dans le Madeira. La végétation me parut, au bout de quelque temps, avoir subi de bien grands changements. Les arbres étaient immenses. Un jour, j'en mesurai un qui était brisé par la foudre. Il avait en diamètre 5 fois la longueur de mon fusil. Les palmiers que j'avais toujours vus minces et élancés avaient pris des proportions gigantesques. De tous côtés, de grands oiseaux de proie faisaient entendre leurs cris rauques et aigus. Un aigle à tête blanche m'a payé son tribut et augmenté mes collections. J'eus beaucoup de peine à le préparer, car l'ayant tiré au vol, il était tombé dans la rivière et avait, en se débattant, endommagé son plumage. Sur ses rivages, tous les arbres formaient, comme les mangliers, les plus étranges enlacements avec leurs racines. La rivière, dont je n'ai pu savoir le nom, devait être fort dangereuse quand ses eaux étaient hautes. Tous ses bords étaient emportés et la couvrant de débris. Nous entrâmes un jour dans un grand lac et nous découvrîmes au loin un amas de cases. À notre approche, tous les hommes vinrent sur le bord de l'eau et je les vis s'asseoir en nous attendant. Je reconnus de suite à quelle tribu ils appartenaient. On m'avait donné à Manaus des renseignements que je n'avais pas oubliés. Je savais que les monts du Rucus se peignaient la figure d'un bleu verdâtre, qu'ils se traçaient une ligne partant de l'oreille et passant sous le nez pour les rejoindre l'autre oreille. ce n'était pas du tatouage, mais une entaille très profonde. Puis il y avait des dessins sur le cou, la poitrine et les bras. Le bon vieux chef était ainsi. Je savais également que les Araras se contentaient de se peindre en croissant, passant du menton aux deux joues et allant se perdre auprès des yeux. Je reconnus de suite que nous étions chez les Araras, d'autant plus facilement que celui qui me parut le chef avait des plumes dans le nez, d'autres plantées dans des trous au-dessus de la lèvre supérieure et une au-dessus du menton. Là, comme chez les monts d'Urucus, je n'eus pas de peine à faire, à l'aide du tabac et des perles, quelques portraits, entre autres celui du chef. Cependant, j'avais déjà fait une remarque et malgré moi, je me vis forcé d'y revenir. Un jeune Arara, tout disposé à me servir de modèle, ne se retrouva plus quand j'eus préparé ma palette. On le chercha partout, il avait disparu. Ce fait se renouvela le lendemain. J'avais fait de grands projets, entre autres celui de peindre sur place un tableau que je terminerai plus tard. Ce tableau devait représenter une prière au soleil. Mais à la façon dont les Indiens me regardaient, je pris le parti de fuir au plus vite. Je fis rentrer tout le monde à bord sous un prétexte quelconque, et quand la nuit fut venue, je fis pousser au large. Je m'étais tenu debout pendant tout le temps qu'il avait fallu pour se préparer. Je tenais mon fusil d'une main, j'avais l'autre dans la poche de mon pantalon. On savait ce que ça voulait dire. Quand je me laissais aller au courant, tout allait bien. Or, dans cette circonstance, nous allions rentrer dans le Madeira. Mes Indiens ignoraient si nous continuerions ou non le voyage, ce qui faisait une grande différence. Mais lorsque nous débouchâmes de la rivière et que je fis mettre le cap à l'ouest et orienter la voile, car le vent nous favorisait pour remonter le courant, le sourire avait disparu. J'avais le cœur serré en me voyant obligé de recourir presque à la force, toutes les fois que je demandais une chose qui ne convenait pas à tout le monde. Alors je me levais, je me donnais l'air le plus féroce possible, tenant à justifier l'honneur qu'il me faisait de me craindre, subjugué soit par ce respect naturel que les gens de couleur ont pour les blancs, soit par la nature même de mon travail, auquel ils attachaient sans doute une influence magique. Un jour, près d'une plage où nous nous arrêtâmes, je vis un canot mais personne dedans. D'où pouvait-il venir? On ne voyait nulle part trace d'habitation. Bientôt sortit d'un sentier un vieil Indien armé d'un fusil. Il avait attaché autour de son corps, en forme de baudrier, une liane à laquelle pendaient une douzaine d'oiseaux et un très petit singe. Cet homme parut fort surpris de nous voir. Depuis quelque temps, je ne savais pas où nous étions, et comme mes Indiens n'en savaient pas davantage, j'avais pris mon parti là-dessus. Je fus bien content, je l'avoue, quand cet homme nous demanda en portugais qui nous étions et ce que nous allions chercher. Les Indiens chez lesquels nous descendions ne comprenaient pas cette langue. Ils s'entendaient dans un ignome nommé lingua geral ou général, dont je ne savais pas un mot. Mon vieil Indien avait, me dit-il, autrefois habité un lieu nommé Abacaxi, près de Marbis dans le Paranyamirim de Madeira. Il était le chef d'une petite peuplade à quelques lieues de l'endroit où nous nous trouvions. On le surnommait le capitaine Joao. Je le fis entrer dans mon canot, et je commençai mes bons rapports avec lui par le moyen infaillible de la cachaça, dont il m'avoua n'avoir pas bu depuis longtemps. Je lui montrai toutes mes études, et je le priai de dire d'avance aux hommes et aux femmes de sa tribu de ne pas voir dans ce que je faisais autre chose que le plaisir d'emporter dans mon pays la figure des gens que j'aimais. Je lui expliquai autant que possible ce que voulait dire ma boîte de photographie. Il voulut toucher à tout, et je ne pus l'empêcher de mettre ses doigts sur un cliché qu'il détruisit en partie. Je fis devant lui, tout en remontant le fleuve, le dessin d'un palmier qui penchait sur l'eau. Enfin, quand nous arrivâmes, nous étions tout à fait amis. Mon introducteur descendit le premier de mon canot, et je le vis s'éloigner en montant un sentier très escarpé. Il allait prévenir sa tribu. C'était encore des monts d'Urucus. Ces braves gens ne m'inspiraient aucune crainte. Toutes les fois que j'étais allé chez eux, j'avais pensé ainsi. Comme j'avais parlé au capitaine Joao de mon désir de peindre les hommes tatoués, il revint avec d'eux qu'il était de fraîche date. La trace profonde qu'ils avaient au milieu du visage était encore saignante. C'était le père et le fils. La couleur bleue dont ils se peignent me faisait paraître leurs yeux tout rouges, c'est-à-dire plus rouges, car effectivement ils étaient, je ne sais par quel procédé, de cette couleur, et malgré ces étrangetés, ces hommes avaient un air de douceur. C'est ainsi que je passais ma première journée. Vers la fin de la soirée, au moment où je commençais à m'endormir, je fus réveillé par un bruit discordant et continu. Je voyais une grande lueur du côté des cases. Tout malade que j'étais, la curiosité l'emporta. Je me traînais comme je pus, en m'aidant de mon fusil, et j'arrivai pour assister à un étrange spectacle que je ne compris pas. En attendant, j'allais m'asseoir comme tout le monde. La musique était composée de tambours et d'un instrument qui avait le son du flageolet. Tous les Indiens étaient assis en cercle. Au milieu, un jeune homme de 17 à 18 ans se tenait debout et était l'objet d'une attention particulière. Il n'avait rien de remarquable, sinon qu'il portait au bras droit, au lieu de manche, un objet nommé tip-tip. C'est un étui fait en latanier et qui peut se raccourcir ou s'allonger à volonté en le resserrant ou l'ouvrant. Les Indiens s'en servent pour pétrir la farine de manioc. Il y en a de très grands, mais celui-ci ne l'était guère plus que le bras et était attaché fortement à la hauteur de l'épaule. Naturellement, je fis comme tous les assistants et sans en connaître la cause, je me mis à regarder le héros de cette soirée en me demandant où cela aboutirait. Au bout d'une demi-heure, ce jeune homme, sur la figure duquel je n'avais vu aucune émotion, fut délivré de cette manche d'une espèce nouvelle. Son bras était prodigieusement enflé et il sortit du lieu où il avait séjourné une demi-heure une grande quantité de fourmis très grosses de l'espèce la plus dangereuse. On entoura le jeune martyr et on le conduisit dans une case voisine au son de la musique qui, passant près de moi, me permit de distinguer de quoi étaient composées ces flûtes dont le son doux et mélodieux m'avait frappé. C'étaient des os de mort, il n'y avait pas à s'y tromper. Elles étaient ornées de grosses ailes de scarabées et pendaient au cou des musiciens attachés par des cordelettes. Mon ami Joao m'apprit que le jeune homme était à marier et venait de subir son épreuve. Il était reconnu bon pour le mariage. Pendant 3 jours que je fus sérieusement malade, je fis seulement 2 têtes que je ne terminerai pas plus que la première. Mes 2 modèles disparurent. Une autre fois, je voulus essayer de peindre une vieille femme, mais elle se sauva aussitôt que je l'ai regardée un peu attentivement. Toutes ces disparitions me devinrent suspectes, et j'en parlai au chef. Il fit appeler les 2 Indiens et la vieille, et j'appris d'eux, par l'intermédiaire de Joao, une chose à laquelle j'étais loin de m'attendre. Polycarpe, n'osant m'attaquer ouvertement, avait à Manaus même commencé un système de méchanceté sourde dont j'avais éprouvé les effets sans en soupçonner la cause. Quand un modèle paraissait disposé à poser, si je ne le peignais pas de suite, Polycarpe lui disait que dans le pays des Blancs, il croyait qu'il existait une grande quantité d'individus sans tête et que j'étais chargé de m'en procurer le plus possible. Si bien que l'imprudent, qui pour un peu de tabac ou d'écolier se prêtait à ma demande, devait s'attendre à voir sa tête le quitter au premier jour et à le rejoindre le torse auquel elle était destinée. Si j'avais été dans tout autre lieu, et non forcément livré à ce mauvais drôle, je l'aurais traité comme je l'ai fait plus tard, mais j'avais à craindre d'être abandonné. Déjà, j'avais entendu des paroles échangées entre lui et les 3 autres. L'odeur des forêts vierges, le goût inné pour la liberté qui n'abandonne jamais l'Indien, m'avait fait faire souvent de tristes réflexions. J'étais complètement à leur merci. Le brave chef, qui ainsi que tous ceux qui voyaient Polycarpe, l'avait pris en grippe, me conseilla de dissimuler. Je devais le ramener au paria. Le président se chargerait de le punir.